Ouais, ATK. ATK, gars. Apocalypse Cyanure, gars. L'histoire de plume ronde Mossad. L'histoire de plume ronde Mossad. J'prends mon stylo et ma feuille. Écris en quelques lignes, clairement pourquoi nos vies s'effeuillent. Ça y est, c'est fait. Que faire de plus à part écrire encore? Le mauvais temps m'inspire, je m'arrêterai juste une fois mort. Je regarde les gens de ma fenêtre marchant sous la pluie en chien. Pas question de mettre un pied dehors, faut que cette soirée prenne fin. Ces idées tristes pour une soirée triste que je dépose sur cette feuille. 18 de 9-9 face à mon texte, je reste seul. Soir de pluie, j'aurais pas pensé qu'une larme au coin de mon œil. Soir de pluie, j'ai toute la ville est l'imprégnée de mon deuil. Soir de pluie, j'ai pensé au beau jour lorsque l'on oubliera peut-être ces innombrables. Soir de pluie, j'ai espéré qu'il s'arrête. Soir de pluie, pas le cœur à rire et curer, pas le cœur à sortir, mais en même temps envie de crier courir. Car toujours saisir qu'il faut te saisir, c'est pas du plaisir. La réalité c'est pas que tes désirs et tes délires et toujours avec le paradis pacté. Soir de pluie à jacter, seul avec ta glace, refaire un monde de ta place. Lever, éteindre la lumière, te rasseoir, et te rendre compte que rien ne se passe. Soir de pluie, si froid qu'il te glace. Soir de pluie sans coup de téléphone, sans sonnerie, sans sifflet, sans grésillement d'interphone, sans d'autres bras qui te consolent, à côté de toi personne. Soir de pluie à te morfondre, en larmes fondre, moment où tes espoirs s'effondrent sur le sol, plus d'ombre, car plus de soleil. Soir de pluie sans sommeil, pas de corneille à qui bailler, pas envie de maquiller ta face d'un sourire, envie de mourir. Soir de pluie passé à maudire, mais toujours saisir qu'il faut te ressaisir, qu'un temps d'histoire de pluie, même après les pires soirs de pluie. Soir de pluie, j'aurais pas pensé qu'une larme au coin de mon œil. Soir de pluie, j'ai toute la ville est l'imprégnée de mon deuil. Soir de pluie, passé à penser au beau jour lorsque l'on oubliera peut-être ces innombrables. Soir de pluie, passé à espérer qu'il s'arrête. Elle est là exténuée par cette course sans fin dans le froid. Pétrifiée, regard horrifié dans cette rue, pas un justicier, pas un chat, pas d'échappatoire, juste deux trois pas sans fuyard. Elle crie à l'aide, rien, personne viendra à son secours. Ses agresseurs l'approchent, elle supplie, pleure leur cri qu'elle n'a guise d'avant. Mais ses chiens puent, on s'en fout, rient et scrutent son corps en bavant. L'approche passe à l'acte, la stigmatise indécemment. Le ciel pleure sur son corps inerte. Abusé violemment, visage crispé, corps délaissé dans une ruelle près des poubelles. Maintenant elle vit avec, mais chaque soir même cauchemar sempiternel. Soir de pluie, à réouvrir des plaies, fermées depuis. Des vieux démons, des vieux débris, des choses qui ont marqué nos vies. Soir de pluie. Soir de pluie, non, dans la ville et l'imprégnant de mon deuil. Soir de bonjour pluie, la tristesse au plus profond de mon œil. Soir de pluie, c'est qu'il faut ressaisir le fil de cette vie qui t'annihile. Soir de pluie, te débarrasser de ce linceul qui t'habille. Soir de pluie, j'aurais pas pensé qu'une larme au coin de mon œil. Soir de pluie, sinon toute la ville est l'imprégnée de mon deuil. Soir de pluie, passé à penser au beau jour lorsque l'on oubliera peut-être ces innombrables. Soir de pluie, passé à espérer qu'il s'arrête. Soir de pluie, j'aurais pas pensé qu'une larme au coin de mon œil. Soir de pluie, sinon toute la ville est l'imprégnée de mon deuil. Soir de pluie, passé à penser au beau jour lorsque l'on oubliera peut-être ces innombrables. Soir de pluie, passé à espérer qu'il s'arrête.